soif de belles paroles. Femmes sont créatures qui doivent. Y a trop de cas soif de belles paroles. Et y'a remarqué aucun trop d'importance. Y'a voulu jeter comme si on a souffrance. Que aucun trop importance. Yo vle jete ou comme si on a souffrance. Femme qui gésie tout partout. Remédie garçon c'est pas colo. Femme qui gésie tout partout. Remédie garçon c'est pas colo. Déclaré mes chéris, moi aimé. Yo bêtise, yo passe en avance. Le ou déclaré mes chéris, moi aimé. Yo bêtise, yo passe en attente. Cherche au moyen pour pas tomber. Viendra rentrer au cité qui compte là. La cherche au moyen pour pas tomber. Mais maman chérie, va venir surveiller. Allez vous en, papa en tête chargée. Mais maman chérie, va venir surveiller. Allez vous en. La bam tête chargée. Yo kon l'autre système pour y adopter. C'est à l'extrême. Yo kon l'autre façon. Yo di ou sans façon. Si ou pa gen go bandiget. La pwe gado kom kok sans bec. Si ou pa gen go bandiget. La pwe gado kom kok sans bec. Allez non, allez ou là-bas. Je m'en pas vivant, mesdames. Allez, non, allez où là-bas. Moi, papa, je m'en pas vivant, mesdames. arrête. Pas besoin de pomme d'âme. Très grave chez l'habitation. Pas besoin de pomme coloquette. Pomme coloquette. C'est mon bon monde respecté. Ouais. Ah. Pas besoin de pomme coloquette. Tout le monde qui jeune garçon. Si vous pouvez avoir une pomme coloquette dans la main, vous pouvez avoir une femme. Vous pouvez avoir une femme. Ah. Mon ça yo. Yo pas gagne l'autre nourriture. Banana poisson. Ou bien tu qui t'a pour avec. C'est pour plus vite. Ha. Alors le plus souvent, mon sort tout le monde dit conversation. On prend. Ou poser, on prend. C'est jour là, par contre, ça passe camarade là. L'arrivée poser, m'a posé la question. Qui question qu'on prend poser? Chérie. Qui signe? Qui signe? Dans la pente de l'hygroscope, ça va pas une femme de répondre. Oh, signe-moi. L'argent, tout ça, deal. L'argent. Là, dit chez Renal, faut du bon nadon. L'argent. Là, dit chez Renal, faut du bel. L'argent, tout le champ chaud. L'argent, tout ça, deal. L'argent. Bon. Mais pas qui pirate là. Moun sa yo, ou bien doit lever demain matin, l'abgade ou abgade. Pas même mon tichi, même mon prenne figue. Ah, bon, même pas qui vit là. Le plus souvent, l'on va bien la caille moun sa yo. Pantalon, c'est tout dans tout la caille au coquille. Alors, moun sa yo, l'on toujours bon tichi, j'en vais pour m'a dit ou, y'a pour t'y caresse. On va passer maintenant tête ou faire petit capot pour prendre doit être dans oreille ou comprendre alors façon pour pas attendre pour moteur on va pas attendre pour moteur on va même moteur pas grand marcher l'autre parce qu'il arrive marcher sur trois cylindres attendez c'est kata comprendre alors viens jouer nous même ou contingent sans sucre on va nous pas posséder on va connaître. Ou pas comme qu'ils soient, ouais. Oh oh. Pantalon tombe, bat dans ces tcha tcha tcha sans mon maman. Il y a là où est qui boye, où est cotoye. Bon. Pas qui est grave, l'autre va le dormir là quand il m'a dit même. Le plus souvent, pantalon c'est tout dans ce senti. Je crois que pantalon dans le alors la pression, moi, je vais lever dans la nuit là pour la jouer dans le pantalon. Comprends? Des 20 poulies. Au lieu de le pantalon dans ce senti là, c'est deux pieds pantalon le coquet. Pantalon vite tête en bas. Tout soit possédé, tout tombe dans le plancher. Alors, vu que le plancher a gagné tout, on va lancer la dépouille. Hein? Bon, ça c'est toi qui est là, méchaille là. Maga qui vient là. L'autre loi là, c'est quand vous me dites, c'est quand vous me dites, vous allez. L'aime tout ça. Moun. Tous ces garçons. Garçon, les conseils romans, elles même paraissent dans la porte là. Ils paraissent dans la porte là. Avancez. Le suivant qui laisse quitter là avant. Rentrez. Le suivant qui laisse quitter là avant. Rentrez. Le suivant qui laisse quitter là avant. Rentrez. Alors qu'on a haïtien. L'autre haïtien côté, il faut toujours garder ton bagaille. Par contre, ça va passer, n'est-ce qu'on va faire discussion. Oh oui. C'est pas 6h du matin là, ou pas passer en vent, ou pas passer en vent, ou faire venir ou pas passer en vent, ou pas passer en vent. Et puis pour mademoiselle, même, qui paraît en porte la chevelle, gaillé, sué pour petit bouquet, il paraît qu'il tombe à bégué. Non, pas, c'est ça, à faire discussion. Tout a passé. Ou passez déjà, ou même, ou à pin double encore, ou passez déjà. On pourrait est mon ça yo. Yo mettre pelle là sta mais yo. Yo pas jamais. Alors même qui jeune garçon rempli d'avenir, faites attention. Pas bille que mes lance à tourner en main ou pour mon ça pas faire la dernière sou. Femme coloquée. Hey! Bye. vivre, mesdames. Allez-vous-en, ancien photo à pédale, coussin PC, bois fouillé, corédan, coloquetan. Mandé changement, outside.